إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans notre explication au sujet du livre Zajr al-Mutahawun min bidarar qa'idat al-ma'zirah wa al-ta'awun, et c'est l'explication du manhaj des salaf face à la divergence. Donc on est aujourd'hui au cours numéro 7 dans ce cours. Donc on continue l'explication et la lecture du livre. Et donc aujourd'hui on est arrivé au chapitre qui dit Al-Haqq wadih wa sahlun liman yatlubuhu bi husni qasdin. Le cheikh il dit que dans ce chapitre, le titre c'est La vérité elle est claire et facile pour quiconque la recherche avec une bonne intention. Eh bien, elle est facile. Donc, le cheikh, il mentionne en commençant un verset, qui est le verset 22, dans Surat Al-Qamar, qui dit, « قال الله تعالى, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ وَهَذَا عَامٌ لِلْتِلَاوَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَلِلْفَهْمِ مَعًا قَالَ الْحَافِظِ ابْنُ كَثِيرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس وقال الإمام ابن القيم لا تجد كلاما أحسن تفسيره ولا أتم من كلام الله سبحانه وتعالى ولهذه سماه الله بيانا وأخبر أنه يسره للذكر ويسر ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم وأوامره ونواهيه للامتثال ومعلوم أنه لو كان بالألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له بل كان معسرا عليه وإذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافه فهذا من أشد التعسير. Donc on va lire ensemble qu'est-ce que le cheikh il dit en introduction de ce chapitre. Donc il cite le cheikh le verset 22 dans Surat Al-Qamar, et dans ce verset on lit: en effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation et pour le rappel et pour la réflexion. Y a-t-il donc quelqu'un pour réfléchir? Donc ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset, et le cheikh il dit que ça c'est général, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il ait rendu le Coran facile. Eh bien, ça veut dire facile à réciter, facile à lire et facile également à comprendre. Tout ça, c'est inclus dans la facilité qui a rapport avec le Coran. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit dans son tafsir, dans le volume 4, justement dans le tafsir de Surat Al-Qamar, ce verset il est répété plusieurs fois. Il n'est pas dans cette surah, il n'est pas répété une seule fois, il est répété dans plusieurs, à plusieurs endroits dans ce même verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répète à plusieurs fois, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Hein, nous avons fait le Coran facile à yani, méditer ou facile à s'en souvenir ou à, yani, tout, à comprendre, ainsi de suite. Donc, ça c'est dans la signification. Et donc, Ibn Kathir, il dit, أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس. Donc on a facilité sa prononciation et on a également facilité aussi sa signification pour celui qui la recherche, pour que les hommes puissent se souvenir et réfléchir sur ce Coran. Ensuite il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah qui sont mentionnées dans son livre Mukhtasar al-Sawa'iq. Dans le volume 1 à la page 57, il dit « Tu ne trouves pas une parole qui est plus facile à comprendre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne trouves pas également une parole qui est plus parfaite, plus complète que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de sa parole dans les versets dans le Coran, il mentionne que c'est un bayan. C'est quelque chose qui est clarifié, qui est explicite, qui est clair. Et il dit également qu'il l'a facilité à la qu'il l'a facilité, c'est-à-dire il a facilité sa récitation, il a rappelé, il a facilité son rappel. Il a fait que ce soit facile de le lire et de s'en rappeler. Sa mémorisation également a été facilitée et aussi sa récitation et sa compréhension. Il a facilité également les ordres et les interdictions et l'application aussi de ce qui est écrit dedans et de ce qui est ordonné dedans. Hein, on sait que l'islam il est basé sur la facilité. Hein. Donc tout ce qui est ordonné dedans ou interdit, c'est facile. Il n'y a pas de difficulté dans cette religion-là. Et ensuite, il dit « وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِالْأَلْفَاظِ لَا يَفْهَمُهَا الْمُخَاطَبُ لم يكن ميسرا له. C'est-à-dire, et on sait très bien que si les mots qui sont utilisés et les termes qui sont utilisés étaient incompris de la personne à qui on s'adresse, c'est-à-dire les personnes à qui Allah s'adresse, c'est-à-dire les êtres humains, hein, donc si ces paroles-là n'étaient pas compréhensibles, si ce n'étaient pas des paroles qui étaient faciles à comprendre, ou qui était compréhensible, eh bien, on ne pourrait pas dire dans ce cas-là que Allah a facilité ce Coran. Hein? On aurait dit plutôt que c'est un livre qui a été rendu plus difficile. Hein? Donc, le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce Coran, qu'il a fait en sorte que ce livre soit révélé aux hommes et qu'il soit transmis parmi les hommes, c'est fondamentalement pour qu'il soit compris. Et pour que ces termes et ces significations soient compris. Et les termes que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisés et les mots que Allah subhanahu wa ta'ala a employés, ce sont des mots qui indiquent leur signification. C'est-à-dire, ce sont des mots qui signifient ce qu'ils signifient en réalité. Hein, pour dire les choses comme qu'est-ce que le cheikh il essaie de faire comprendre en réalité, c'est pour réfuter ceux qui essaie de déformer le sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur donner une signification qui est différente de sa signification réelle en faisant des formes de ta'wil, comme il l'appelle. Ta'wil, c'est-à-dire qu'à la base, le mot ta'wil, comme on l'explique dans les livres de tafsir et dans d'autres livres également, quand on parle d'aqidah, en particulier au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on explique que le mot ta'wil, c'est un synonyme du mot tafsir. Parmi ses significations, c'est que c'est un synonyme du mot tafsir, c'est-à-dire l'interprétation et l'explication de quelque chose. Toutefois, dans la façon que le mot ta'wil est utilisé de la part de certains parmi les groupes de bid'ah, comme par exemple les Asha'ira et d'autres groupes aussi parmi les gens qui suivent cette tendance, comme les Maturidiyah, ainsi de suite, et bien eux, ils utilisent le mot ta'wil dans le sens de tahrif, c'est-à-dire de déformer la signification réelle du terme ou du mot pour lui donner une signification qui est totalement différente et qui n'a aucun lien avec sa signification dans la langue arabe. Et donc, le cheikh, il mentionne ça justement pour faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne des termes et quand il utilise des mots dans le Coran, c'est uniquement pour dire la signification réelle de ces mots-là et non pas pour dire le contraire de ce que ces mots-là signifient. Hein? Sinon, on dirait quoi? On dirait que le Coran n'a pas été facilité, on dirait plutôt le contraire, que le Coran a été rendu le plus dur, hein? A été rendu plus dur à comprendre et plus compliqué à comprendre. Donc ça, c'est la fin de cette citation de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya avec un petit peu de clarification par rapport à certaines idées qui sont exprimées dans cette citation-là. Après, le cheikh, il dit « Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-halalu bayyin wal-haramu bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat wal-ishtibahu aydan innama huwa bin-nisbati liman lam ya'rifha » قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الأمر. Donc le cheikh il dit ensuite que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon An-Nu'man ibn Bashir, et c'est un des hadiths qui est mentionné dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Hein? Donc dans ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que qu'est-ce qui est halal, c'est clair, et qu'est-ce qui est haram, c'est clair. Donc le halal et le haram ont été clarifiés, mais entre les deux il y a certaines choses qui sont mushtabihat, c'est-à-dire il y a certaines choses qui sont ambiguës, qui ne sont pas claires pour tout le monde. Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit ici que quand on utilise le terme ici mushtabihat, c'est-à-dire elles sont mushtabihat uniquement d'une façon qui est relative par rapport à celui qui ne les connaît pas, mais elles ne sont pas mushtabihat en elles-mêmes. Elles sont, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet des choses qui sont, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de certaines choses qui sont entre le halal et le haram, qui ne sont pas claires ou qui sont mushtabihat, c'est uniquement par rapport à ceux qui ne les connaissent pas, ces questions-là. Parce que pour ceux qui les connaissent et qui connaissent bien la charia et qui connaissent bien le Coran et la sunna et qui ont une bonne compréhension du Coran et de la sunna, ou bien disons une connaissance plus approfondie des détails de la charia, eh bien, pour eux, ces questions-là ne sont pas mushtabihat. Elles sont uniquement mushtabihat par rapport à ceux qui ont une connaissance limitée de la charia. D'accord? Sinon, pour le reste des musulmans, les choses halal sont claires et les choses haram sont claires en général. D'accord? Et donc, ça, c'est pour ça que le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali dans à ce sujet-là, dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam. Et Jami' al-Ulum wal-Hikam, c'est un des livres d'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et dans le livre de l'imam al-Nawawi, des 40 hadiths, il y a en réalité 42 hadiths. Et donc, ce sont 42 hadiths, et l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, Il a mentionné ces 42 hadiths et il en a rajouté 8 à la fin. Et il les a expliqués. Il a fait le charh de ces 40 hadiths. Et en tout, donc, ça fait 50 hadiths puisqu'il en a rajouté 8 à ces 42 hadiths. Et il les a expliqués d'une manière comme peu de savants savent le faire. C'est-à-dire, l'imam Ibn Rajab, il a une manière de faire l'explication des hadiths qui est vraiment étonnante. Lorsqu'on lit ses écrits et lorsqu'on lit ses explications des hadiths, c'est vraiment merveilleux. Il ramène au sujet de ce hadith, lorsqu'il fait l'interprétation du hadith, il le coupe en différentes parties et il ramène pour chacune des différentes parties du hadith d'autres hadiths et des versets et des paroles des salafs et des athars, ainsi de suite, qui expliquent et clarifient la signification de chaque partie de ce hadith. Et il le fait d'une manière vraiment intéressante et vraiment claire, qui aide vraiment à bien comprendre la signification des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ibn Rajab, il a également un sharh de Sahih al-Bukhari. Il a un sharh de Sahih al-Bukhari. Et ce sharh, il s'appelle Fath al-Bari. Ce sharh, il s'appelle Fath al-Bari. Et il était écrit avant le livre Fath al-Bari de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Beaucoup de gens, parfois, se mélangent justement lorsqu'on mentionne Fath al-Bari. On dit par l'imam Ibn Rajab, et ils pensent que c'est une erreur. Et non, c'est pas une erreur. C'est qu'à la base, Fath al-Bari, c'était un sharh de Sahih al-Bukhari écrit par l'imam Ibn Rajab. Puis l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, par la suite, il a écrit un autre sharh et il l'a intitulé lui aussi Fath al-Bari. Parce que le sharh de l'imam Ibn Rajab, malheureusement, il n'est pas complet. Il l'a complété uniquement jusqu'au chapitre qui parle de la prière de Janaza. Okay? Et après, il n'est pas complet. Donc, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il l'a complété, le sharh, et il l'a terminé. Et donc, probablement, c'est pour justement reprendre le même titre que le titre de l'imam Ibn Rajab par rapport à ce qu'il avait mentionné. Ou par rapport à ce début qu'il avait fait de sharh de l'imam al-Bukhari. Mais son sharh de al-Bukhari, il est vraiment incroyable aussi, il est vraiment bénéfique. Et il est publié actuellement en 8 volumes, d'accord? Donc imaginez, il y a 8 volumes pour jusqu'à Salat al-Janaza, alors imaginez combien il y aurait de volumes s'il devait être complet, hein? Donc, ça, c'est juste un exemple. Ensuite, donc, pour compléter, c'est qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Rajab au sujet de ce hadith, al-halal ubayyin wal-haram ubayyin. Il dit que ces choses-là sont uniquement mushtabihat, les choses qui sont entre le halal et le haram et qui ne sont pas claires, elles sont uniquement, elles ne sont pas claires uniquement par rapport à ceux qui ne les connaissent pas, ces questions-là. Mais elles ne sont pas mushtabihat, ou elles ne font pas partie des mushtabihat pour tout le monde, et elles ne sont pas mushtabihat en elles-mêmes, parce que la vérité à leur sujet, elle existe, elle est connue, sauf qu'elle n'est pas connue de tout le monde. C'est ça la différence. Et après il dit, وَقَالَ إِبْنُ أَبِي الْعِزَّ الْحَنَفِي مُقَرِّرًا هَذَا فَدِينُ الْإِسْلَامِ هُوَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ على ألسنة رسله وأصول هذا الدين وفروعه وموروثة عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهور يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه ودل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. Donc le cheikh ici il mentionne les paroles de Ibn Abi al-Izz al-Hanafi dans son sharh de la Aqida al-Tahawiyya. Et il dit donc que la religion de l'islam, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour ses serviteurs par la langue de ses messagers. Et les fondements de cette religion-là, de même que ses branches, qu'est-ce qui découle de ces fondements-là, tout ça a été hérité. c'est l'héritage des messagers et des prophètes. Et c'est très très clair, c'est une religion et c'est une législation qui est claire, et c'est, il n'y a rien de plus clair que ça, c'est la limite de la clarté, tellement c'est clair, c'est à l'extrême de la clarté. Et il est possible à toute personne qui a atteint l'âge de raison, qui est capable de distinguer entre les choses, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit arabe ou non arabe, qu'il soit intelligent ou non, il est capable de rentrer dans le Coran et d'essayer de le comprendre dans une courte durée de temps, de même qu'il est possible également d'en sortir de cette religion-là dans une période de temps également aussi courte et même plus courte parfois, en niant une de ses paroles ou un de ses mots, c'est-à-dire si quelqu'un traite de mensonge un mot dans la révélation, ou bien en rejetant un mot, ou bien en opposant une parole qui est parmi les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien en mentant sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur sa religion, ou bien en ayant des doutes en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien en réfutant ou en rejetant ce qui a été révélé d'une façon générale, ou bien en doutant, en ayant un doute à propos de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de douter. Donc si quelqu'un a doute en quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, n'en doutez pas. Alors là, ça aussi c'est une forme de mécréance, c'est quelque chose qui fait sortir de la religion. Et également, il y a beaucoup d'autres significations à ça, des exemples de formes de choses qui peuvent faire sortir quelqu'un de la foi. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. Donc il dit qu'il y a les preuves dans le Coran et dans la Sunna qui indiquent que cette religion-là, elle est claire et elle est facile à apprendre pour la personne qui vient pour l'apprendre et qui fait les efforts pour l'apprendre. Donc ça, c'est des exemples. Donc, cette religion-là, elle est facile, elle n'est pas compliquée. Contrairement à ce que certaines personnes essaient de faire croire aux musulmans, que personne ne peut comprendre cette religion-là et qu'elle est tellement compliquée qu'il faut avoir atteint le niveau d'un mujtahid mutlaq, et que sinon tu ne peux rien comprendre dans la religion, tu ne peux pas approcher les textes de la révélation pour essayer de l'apprendre par toi-même, ou bien avec des ulama. Même si tu l'étudies avec des ulama, tu ne pourras pas la comprendre avant que tu aies atteint le niveau d'ijtihad ou des choses de ce genre. Et ça, bien entendu, c'est contraire à la réalité, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu cette révélation-là et cette religion-là facile à la compréhension. Après, le cheikh il dit « وَقَالَ عَلَّامَةُ الْقَسِيمِ الشَّيْخ عَبْدُ الرَّحْمَنَ السَّعْدِي اِعْلَمْ أَنَّ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَأْتِي مُرَكَّبَةً صَرِيحَةً فِي مَعَانِيهَا لَا تَحْتَمِلْ غَيْرَهُ بِوَجْهٍ هَذَا حَالُهَا فِي نَفْسِهَا وَقَدْ اتَّفَقَ عَلَى هَذَا جَمِيعُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الذين عرفوا مقاصد الشارع في مصادره وموارده وتمرنوا على ألفاظه ومعانيه فكما لا يستريبون في نصوصه في الأحكام الفروعية فلا يستريبون أيضا في نصوصه في الأصول بل يرون هذا النوع أكثر بيانا وأبلغ وضوحا لشدة الحاجة والضرورة إليه ودون هؤلاء من أهل العلم من لم يصل إلى ما وصلوا إليه لأنه ليس عنده من الاعتناء بالنصوص كما عند أولئك فنصوص الشارع عندهم ظواهر ظاهرة في معناها في معناها في مداركهم وأفهامهم وربما وقع لبعض هؤلاء من الاحتمالات والإشكالات ما لا يقدرون على حله وبين هؤلاء وبين الأولين فرق عظيم في هذه الأبواب والأصول العظيمة وليس نزولهم عن الأولين لقصورهم لقصور في أفهامهم وإنما ذلك لعدم إقبالهم التام واعتنائهم بكلام الشارع ولهذا تجدهم في المذاهب التي تفقهوا بها واعتنوا بها جازمين بمقاصد أئمتهم ومرادهم بألفاظهم ونصوصهم لأنهم وفروا مداركهم لتحصيل ذلك فمروا فيها. Donc qu'est-ce qu'il dit ici l'imam As-Sa'di? Il mentionne, il dit, sachez que les textes de la charia, dans le Coran et dans la Sunna, sont venus avec des significations qui sont claires et ordonnées, qui ne peuvent avoir d'autres significations ou d'autres implications d'aucune façon. C'est-à-dire leurs significations, elles sont très très claires. Et وهذا حالها في نفسها, c'est-à-dire en elle-même, ces significations des textes du Coran et de la Sunna, elles sont très claires. Elles n'ont pas besoin d'être interprétées même, elles sont très très claires. Et elles indiquent ce qu'elles veulent dire facilement et simplement et clairement. Donc c'est pour ça que ceux qui viennent par exemple et qui disent non mais la religion c'est juste quelque chose qui a rapport avec l'interprétation, ça c'est l'interprétation d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Non, la religion de l'islam, elle est claire. Et les textes de la révélation, ils s'expliquent par eux-mêmes, souvent. Et donc, c'est seulement une catégorie, une petite catégorie parmi les textes de la religion qui ont besoin d'être interprétés d'une façon qui est par rapport à d'autres références. On a besoin de les ramener à d'autres références parce que ils ont pas été clairs, ils sont pas clairs en eux-mêmes. Comme par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des muhkamat et des mutashabihat, eh bien, il explique que c'est les ulama ramènent les versets qui ont plus qu'une signification, ils les ramènent aux versets qui sont clairs et qui sont sans équivoque. Il les explique de cette façon-là, il les clarifie de cette façon-là. Soit en expliquant le Coran par d'autres versets du Coran, ou soit en expliquant ces versets-là par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les clarifient ou bien par des explications des sahaba ainsi de suite comme on l'a expliqué déjà dans certaines règles de tafsir. Donc c'est pour faire comprendre que à la base les textes du Coran ils s'expliquent par eux-mêmes et ils ne sont pas interprétés d'une manière farfelue un peu comme par exemple certaines personnes dans d'autres religions comment ils se mettent à interpréter leurs textes selon leurs désirs ou selon leurs passions, selon l'époque, pour essayer de faire plaisir à X ou Y. On retrouve ça également chez des groupes de bid'a parmi les soufis et parmi les shi'a et d'autres sectes d'égarement parmi les musulmans qui essaient d'interpréter le Coran et la Sunna selon leur propre idéologie, selon leur propre pensée, selon leur propre théorie, sans ramener de référence. Donc le cheikh il dit non, les textes de la révélation, de la charia, ils sont clairs, ils s'expliquent par eux-mêmes. Et il dit que ça, tous les imams de l'islam, parmi les musulmans, ont été d'accord là-dessus. Ceux en particulier qui ont connu les objectifs de la charia et qui ont connu les bases et les références de base de cette religion-là et qui les ont étudiées principalement. Et qui se sont, entraînés à comprendre les mots et les significations de ces mots-là qui sont utilisés dans la révélation. Et donc, ils ne cherchent pas, ils n'ont pas de doute dans les textes de la révélation en ce qui concerne les règles des choses qui sont extraites des bases de la religion, tout comme ils n'ont encore moins de, tout comme ils ont encore moins de doute. En ce qui concerne les textes qui traitent des fondements de la religion. Et ils sont encore plus convaincus de ces textes-là encore, c'est-à-dire ils ont encore plus de fermeté et de clarté quand ils étudient les textes qui ont rapport avec les fondements de la religion que pour les autres textes qui parlent des règles. C'est-à-dire que il y a certains parmi les gens de certaines tendances qui sont parmi les groupes de bid'a, eux ils trouvent que les textes de la révélation c'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'effort pour comprendre la religion. Il faut se retourner à des paroles de qu'est-ce que des savants de fiqh ont écrit ou qu'est-ce que des savants de kalam ont imaginé dans leur aqida, et ils essaient de comprendre ces paroles de leurs imams plus que l'effort qu'ils mettent à essayer de comprendre les textes de la révélation directement. Donc c'est comme s'ils laissent de côté les textes de la révélation qui sont la base de l'islam, et ils mettent toute leur concentration et tout leur effort à comprendre les paroles de leurs imams et de leurs shuyukh et de leurs livres de fiqh, au lieu de mettre cet effort-là dans les textes de la révélation eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça que le cheikh, il explique ici que les savants qui ont vraiment étudié les objectifs de cette charia et ses fondements et qui sont retournés à ces références et qui ont étudié et qui se sont entraînés dans la compréhension de la signification de ces termes et de ces significations, ils n'ont pas de doute en ce qui concerne les textes qui ont rapport avec les règles de l'application des règles de la charia, de même qu'ils n'ont pas de doute aussi dans les fondements et les textes qui traitent des principes des fondements de la religion aussi. Et ils ont trouvé que ces textes-là sont même encore plus clairs. Ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs pour essayer d'élaborer une croyance ou une théorie ou une idée. Ils trouvent que tout est clarifié dans les textes eux-mêmes directement dans les fondements. Et que c'est expliqué et clarifié d'une façon qui est encore plus claire encore, étant donné qu'on en a besoin de la clarté et de l'explication dans les questions d'Aqida plus que dans les questions qui se rattachent à d'autres choses que l'Aqida. Parce que la base de la religion, c'est l'Aqida, c'est les fondements, et c'est les fondements de la croyance, et tout ce qui est relié aux bases de la religion. Donc tout ça, c'est plus important que le reste, et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala l'a clarifié plus que le reste de la religion également. Tandis que pour certains, on dirait que quand on les entend ou quand on les écoute parler, on dirait qu'ils considèrent que c'est le contraire. Ils considèrent que qu'est-ce qui a été clarifié, c'est les règles du halal et du haram ou des règles de l'application de certaines adorations, puis que sur la question de la croyance, il y a eu moins de clarification. Et ça, c'est incorrect. S'ils ont compris les choses de cette façon-là, ils ont mal compris les réalités, parce que la aqida, c'est la base de la religion, et c'est ce qui a été le plus, c'est là-dessus qu'il y a eu le plus de clarification, en fait. Quand on regarde les textes de la révélation, on voit que c'est là-dessus qu'il y a eu le plus de concentration. Et, bien entendu, le reste de la religion aussi qui est clarifié aussi, mais c'est pour dire que ce que ces gens-là s'imaginent à ce sujet-là, c'est incorrect. Après, le cheikh, il dit également, il y a un autre groupe parmi des gens de science qui ne sont pas arrivés au même niveau que ceux-là, c'est-à-dire ils n'ont pas été capables d'arriver au même niveau que ceux qu'on vient de décrire maintenant, parmi les savants qui ont étudié directement les textes. Donc eux, ils n'ont pas eu cette approche directe avec les textes que les premiers qu'on a mentionnés, hein. Et donc, ils ont uniquement, il dit, فَنُصُوصُ الشَّارِ عِنْدَهُمْ ظَوَاهِرِ. Donc, pour eux, les textes de la révélation, ce sont seulement les mots en apparence qu'ils voient. ظَاهِرَةٌ فِي مَعْنَاهَا وَفِي مَدَارِكِهِمْ وَأَفْهَامِهِمْ وَرُبَّمَا وَقَعَ لِبَعْدِ هَؤُلَا مِنَ الْإِحْتِمَالَاتِ وَالْإِشْكَالَاتِ مَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى حِلِّهِ. Donc, il dit, ils voient que ce sont des mots qui sont clairs dans leur apparence et dans leur compréhension de ces mots-là. C'est correct, ils voient une certaine clarté, toutefois, et il y a certaines suppositions ou certaines complications à comprendre. Ils ont une difficulté à comprendre certaines choses, ils ont certains problèmes qu'ils n'ont pas été capables de résoudre dans la compréhension de certains de ces termes-là. Donc, il y a une différence entre ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure au sujet dans les questions qui ont rapport avec les grands fondements de la religion par rapport à ceux qu'on mentionne maintenant. D'accord? Et la raison pourquoi il y a dans le deuxième groupe qu'on mentionne une limitation ou une restriction dans leur façon de comprendre la religion, c'est justement parce qu'ils n'ont pas eu cette approche complète et directe avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec justement les textes de la sunna par exemple. Et c'est pour ça que tu les retrouves, comme le cheikh dit, tu les retrouves en train de chercher à comprendre les textes des madahib. Et ils mettent beaucoup d'efforts justement à l'étude de ces paroles-là, qui sont les efforts et les paroles de leurs imams. Hein. Ils font beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre ce que leurs imams ont voulu dire dans leurs paroles et dans leurs livres de fiqh, mais ils n'ont pas mis le même intérêt et le même effort à comprendre ce que Allah lui-même voulait dire et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire dans ses paroles. Dans sa parole, c'est-à-dire dans la parole d'Allah et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on voit par exemple la parole des ulama de fiqh ou des ulama d'autres domaines, on voit que parfois certaines personnes qui étudient ces textes-là, ils ont parfois de la difficulté à comprendre qu'est-ce que leur imam a voulu dire. Hein, et ils vont mettre beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre ces paroles-là, alors que ce sont des opinions ou des idées de certains parmi les shuyukh. Et ce sont des êtres qui ne sont pas infaillibles. Ils peuvent se tromper. Tandis que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une parole qui est parfaite et infaillible. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Donc, il faut mettre dans la compréhension des textes plus d'efforts que dans la compréhension des paroles des savants et des imams qui sont venus par la suite. Et plus quelqu'un se rapproche des textes de la révélation et essaie de les comprendre, plus il comprendra sa religion correctement et plus il s'éloignera de la divergence. Et ça, bien entendu, comme on l'a expliqué déjà, c'est pas pour dire qu'on ne donne pas d'importance ou de respect aux opinions et aux paroles des savants de l'islam, mais c'est juste pour comprendre que lorsqu'il y a par rapport aux divergences et par rapport aux différences d'opinion, que la base dans l'islam, c'est pas les paroles des hommes, mais c'est plutôt les paroles de la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, c'est ça la base. Et ça, il faut s'entendre là-dessus avant quoi que ce soit, avant quoi que ce soit d'autre. Après, le cheikh il dit wa mawaridu an-niza' wadh-dhann qalila. Ça, c'est un autre chapitre qui suit, qui explique un autre point important également par rapport à la question de la divergence. Le cheikh il dit que les causes ou les bases des divergences et d'incertitudes sont très peu par rapport à ce qui est certain et ce qui est par exemple des questions sur lesquelles les gens sont d'accord. C'est-à-dire les points sur lesquels les hommes de science dans l'islam sont d'accord sont plus nombreux que les questions ou les points sur lesquels il y a de la divergence. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération. Les points sur lesquels on est d'accord sont plus nombreux. Et les questions de divergence, c'est des questions qui sont moins importantes. C'est-à-dire qu'il y en a moins que les questions sur lesquelles on est en accord. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut comprendre ce point-là d'une façon plus approfondie pour vraiment savoir qu'on n'a pas vraiment parfois de raison de se diverger ou de diverger dans la religion, puisque si on s'entend au début sur les questions sur lesquelles les imams, les salafs et les imams qui les ont suivis ont été d'accord entre eux, et bien par la suite, on va être capable de s'unir plus facilement. Puisque si les salafs, eux, étaient unis sur quelque chose, eh bien, nous, on n'a pas de raison par la suite de diverger entre nous sur ces mêmes questions-là. Sauf que si on ignore les questions sur lesquelles ils étaient d'accord, eh bien, on risque de ramener des divergences qui n'existent pas en réalité. Et c'est ça souvent qui se produit dans les disputes et dans les différences d'opinion entre les gens. Les gens s'imaginent qu'il n'y avait pas d'accord ou d'entente ou de consensus sur une question, alors qu'il y en avait parfois. Et donc, ils se divisent, ils se disputent sur certaines questions comme ça d'une façon qui n'est pas justifiée. Le cheikh dit « قد بينا بالأدلة الشرعية في التنبيه السابق وضوح الحق ويتبع هذا الأصل العظيم أن مسائل النزاع والظن قليلة. » Donc, le cheikh, il a expliqué que dans ce qu'on a mentionné tout à l'heure, on a clarifié que les bases et les preuves de la charia sont claires, et que la vérité, elle est claire pour celui qui la recherche. Et comme le cheikh, il avait mis dans le titre, pour celui qui la recherche avec une bonne intention. Donc, à la base, si tu recherches la vérité, il faut que tu aies une bonne intention. Si ton intention n'est pas pure et sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu ne trouveras pas la vérité. C'est certain que tu ne vas pas trouver la vérité parce que ton intention n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala et ton intention n'est pas sincère. Donc il faut se détacher de la passion, des désirs et toutes les autres choses qui pourraient t'empêcher d'accepter la vérité lorsque tu la trouves. Donc le cheikh, c'est ce qu'il dit, que la vérité, elle est claire pour celui qui la recherche. Et des fois, c'est de la paresse que les gens font. Ou bien, comme Ibn Taymiyyah l'a expliqué, qu'il y a deux raisons pour lesquelles à cause desquelles les gens s'égarent, et une de ces raisons là c'est qu'il y a des gens qui ne recherchent pas qui font pas assez d'efforts pour chercher la vérité, et l'autre raison c'est parce que ils suivent aveuglément d'autres personnes en lesquelles ils ont confiance, et ça c'est une cause d'erreur et d'égarement aussi, parce que souvent c'est ce qui se passe, quelqu'un fait une erreur. Puis les gens qui le respectent se disent, bon, lui, c'est un homme fiable, il fait attention, et donc on va le suivre, puisqu'il a l'habitude de suivre la vérité. Mais bien entendu, c'est pas toujours le cas. Quelqu'un peut se tromper, et quelqu'un peut avoir une erreur dans certaines questions, même si en général il suit la vérité, ça ne veut pas dire que dans certains points il ne peut pas tomber dans l'erreur. Et donc, celui qui le suit d'une façon aveugle dans tout ce qu'il dit, eh bien, il tombe dans l'erreur à ce sujet-là. Et c'est là qu'on comprend maintenant, à cause de ça, l'importance des réfutations que font les savants de l'islam au sujet des savants. Même si quelqu'un est un grand savant et qu'il est parmi les ulama de Ahl-Sunnah et Wal-Jama'ah, ils vont parfois même écrire des réponses et des réfutations à certaines de leurs opinions, pour avertir les autres musulmans de ces erreurs. Bien entendu, avec politesse, avec respect, dans les règles de la réfutation entre les savants de Ahl-Sunnah et Wal-Jama'ah. Contrairement aux réfutations qui sont faites aux égarés et aux mubtadi'a, et les gens qui refusent la vérité avec arrogance et fierté. Donc, le cheikh, il dit que après avoir compris que la vérité, elle est claire, que les preuves de la charia sont claires, maintenant, on doit savoir également que les questions au sujet desquelles il y a de la divergence, elles sont peu nombreuses, ces questions-là. Cheikh, il dit, وَالظُّنُونَ الظَّنُ, ça peut vouloir dire plusieurs choses. الظَّنُ, on l'utilise parfois pour dire, par exemple, en français, des conjectures, des suppositions, et on l'utilise souvent pour dire, par exemple, par opposition à ce qui est certain, on dit par exemple al-yaqin, la certitude, et on oppose le contraire de al-yaqin, c'est al-dhan. Donc al-dhan, ce serait, on peut le traduire par qu'est-ce qui est le contraire de qu'est-ce qui est certain. Donc ça veut dire, on peut dire que c'est quelque chose qui est relié dans sa signification avec une forme de doute, ou une forme d'incertitude. Donc, les questions qui ont rapport avec les divergences et le doute sont très peu nombreuses, Et donc, le cheikh dit, وَالظُّنُونْ إِنَّمَا هِيَا فِي مَسَائِلَ الْإِجْتِهَادِ أَمَّا مَسَائِلَ الْإِيمَانِ وَالْعَقَائِدِ فالعلم فيها اكثر قطعا. Le cheikh, il dit que les questions sur lesquelles il y a des conjectures ou qu'il y a des choses qui sont qui ne sont pas, disons, des choses sur lesquelles il y a des doutes ou bien il y a l'incertitude à leur sujet, ce sont uniquement dans des questions qui ont rapport avec l'ijtihad, c'est-à-dire des questions au sujet desquelles il n'y a pas de textes qui sont révélés, qui sont explicites et clairs à leur sujet. Tandis que les questions qui ont rapport avec la foi et les croyances, ces questions-là sont basées sur la science. Hein, et elles sont des, ce sont des, ce sont des sciences ou c'est une science qui est quelque chose de certain et de, c'est-à-dire, le cheikh dit fiha aksar qat'an, c'est-à-dire, ce sont des questions dans lesquelles il y a des certitudes et des une science qui est tranchante et claire. D'accord, il n'y a pas de doute sur ces questions-là. الشيخ ذي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع أما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا. Donc ابن تيمية lui-même il mentionne ça dans مجموع الفتاوى le volume 13 à la page 118. Il confirme lui-même à ce sujet-là que c'est connu, c'est une chose qui est connue, que les questions qui ont rapport avec les doutes ou les choses qui sont incertaines ou qui ont des choses qui sont pas claires à leur sujet, ça c'est uniquement dans les questions dans lesquelles il y a des divergences ou des questions de d'ijtihad, des questions au sujet desquelles il n'y a pas de texte explicite et clair. En ce qui concerne les questions qui ont des liens avec la foi et avec les questions de consensus, alors bien entendu la science qui est relié à ça, c'est une science qui est tranchante et claire et certaine. Après, le cheikh, j'avais dit que c'était dans Majmou al-Fatawa, pourtant c'est dans Al-Istiqama. C'est dans Al-Istiqama, le volume 1, à la page 56. C'est la prochaine citation qui est dans Majmou al-Fatawa, volume 13, page 118. Il dit, Ibn Taymiyyah encore, « Qala aydan » جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس وهذا موجود في سائر العلوم وكثير من مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة أما ما لا بد للناس منه من العلم ومما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله. Donc le cheikh il dit ici dans مجموع الفتاوى volume 13 page 118, la grande majorité des questions de fiqh dont les gens ont besoin, hein, ils ont besoin de la connaissance de ces questions de fiqh là, et des sujets des questions au sujet desquelles ils demandent des fatwas et que les gens leur donnent des fatwas au sujet de ces questions là, la plupart d'entre elles, la grande majorité de ces questions là et de ces sujets là sont mentionnés de façon authentique et claire dans les textes, ou bien ils ont à leur sujet des consensus. Donc c'est des choses qui sont mentionnées clairement dans les textes du Coran et de la Sunna, ou bien qui sont affirmées et mentionnées dans les dans les formes d'ijma, c'est-à-dire dans les consensus des salafs. C'est uniquement dans une petite partie, hein, qu'il y a des divergences ou qu'il y a des doutes ou des choses qui ne sont pas claires. D'accord? C'est uniquement dans une petite partie de ce que les gens ont besoin. وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي سَائِرِ الْعُلُومِ. Et ça, on le retrouve dans d'autres sciences également. Mais, le cheikh dit, beaucoup parmi les questions de divergence, ça arrive dans des choses qui arrivent très peu souvent. Les questions de divergence, c'est souvent dans des situations ou dans des sujets qui se produisent très rarement. des choses qui sont très limitées. Hein? Ça ne se produit, c'est pas, il n'y a pas de divergence dans des choses qui sont vraiment, vraiment essentielles, que les gens ont besoin tout le temps de connaître à chaque fois. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que dans ces questions-là et dans ces sujets-là, la plupart du temps, ces choses-là sont connues et claires et mentionnées dans les textes. C'est-à-dire les choses que les gens ont besoin, les choses qui font partie du quotidien, ou les choses qui sont vraiment importantes, ces choses-là sont connues. Et les questions qui ont rapport à ces sujets-là, quand c'est de savoir est-ce que c'est haram, ou est-ce que c'est halal, ou est-ce que c'est mubah, tout ça c'est clarifié et expliqué clairement. C'est uniquement des petits cas d'exception. Ça, on le retrouve souvent, tu vois, des gens qui posent des questions sur le mariage, sur le divorce, sur l'héritage, et sur toutes sortes de choses de ce genre. On voit que dans des questions qui sont très très détaillées dans la charia, oui, c'est vrai que parfois on peut trouver des divergences dans les ijtihadats des ulama, mais dans les questions que tout le monde a besoin de connaître et qui sont connues par nécessité, eh bien, la plupart de ces choses-là, elles sont soit supportées par des textes clairs de la révélation, du Coran et de la Sunna, ou bien par une ijma, hein, un consensus des ulama. Et il dit que ces textes-là, étant donné qu'ils sont supportés par des preuves qui font partie des choses qui sont que les gens connaissent par nécessité, eh bien ça fait partie, malgré que ce sont des choses qui sont connues par nécessité, ça fait quand même partie du fiqh, et qu'on peut pas les faire sortir du fiqh, et que personne parmi les premiers savants de l'islam ont mentionné que ça sortait du fiqh. D'accord, parce qu'il y en a qui vont penser que ces choses-là, si c'est des choses qui sont connues, qui sont obligatoires de reconnaître par nécessité de la religion, ils vont dire, mais ça fait plus partie des questions de fiqh, c'est des questions de usul. Mais bien entendu, on va dire que même si ça fait partie des questions de usul, on les rentre quand même dans le fiqh. D'accord. En tout cas, parce que la question de diviser la religion en usul et en furu', eh bien, déjà ça, Ibn Taymiyyah, il a mentionné dans plusieurs livres que c'était incorrect de faire une division pareille. Parce qu'il y en a qui pensent, comme les premiers qui ont amené cette division-là, c'est les Mu'tazila. Ils ont divisé la religion en usul et en furu'. Et ils ont dit que les usul, les fondements, c'est la aqida, et ils ont dit que les furu', c'est le fiqh. C'est-à-dire les choses qui découlent des fondements, hein, comme les règles de la charia, comme la pratique de la religion, les applications de la charia. Ils ont dit ça, c'est les furu'. Et Ibn Taymiyyah l'a expliqué, il a dit de diviser la religion de cette façon-là, en usul et en furu', et de dire que un c'est l'aqida et l'autre c'est qu'est-ce qui est en dehors de l'aqida, ça c'est une fausse division de la religion. Parce qu'il explique que dans l'aqida, il y a des usul et des furu'. Et dans la pratique de la religion, dans les principes de la religion, il y a des usul et il y a des furu'. Et donc, de diviser la religion, de dire usul c'est l'aqida et furu' c'est qu'est-ce qui n'est pas aqida, ça c'est une fausse division. D'accord? Donc, ça aussi c'est un petit point en passant qui est important à connaître et à comprendre aussi. Après, il dit fa'in qult masa'il l'ikhtilaf fil fiqh kathiratun jiddan. وهذا يعني أن الظن كثير جدا فهذا القاضي أبو يعلى استوعب مسائل الخلاف فانتهت إلى ألوف مؤلفة إما 4000 أو أقل أو أكثر ومن اقتصر على كبارها كما فعل أبو محمد إسماعيل ابن عبد السلام وجدها نحو 100 مسألة فالجواب على هذا من وجهين. Donc le cheikh il pose une question maintenant. Il dit par exemple, si quelqu'un posait la question ou disait que les questions de divergence sont très nombreuses dans le fiqh, c'est-à-dire que les questions, ça voudrait dire que les questions de doute ou d'incertitude sont nombreuses également. Il dit qu'il y a un savant qui s'appelle Al-Qadi Abu Ya'la, un savant qu'on appelle Abu Ya'la, qui était un juge à l'époque. Il a essayé de rassembler toutes les questions de divergence. Et il est arrivé à en calculer environ des milliers, hein, soit 4000 ou plus ou moins, quelque chose autour de 4000 questions sur lesquelles il y aurait des divergences. Et il y en a d'autres parmi les savants qui se sont limités uniquement aux grandes questions de divergence, comme Abu Muhammad Ismail ibn Abdus Salam, et il en a trouvé environ une centaine de questions qui feraient partie des questions de divergence. Donc, la réponse à ce sujet-là, c'est de deux points. Là, il y a deux points pour répondre à cette question-là. Et en passant, il y a des livres qui ont été écrits par des savants de l'islam qui sont uniquement consacrés à la question des divergences et qui ne traitent que de ce sujet-là. Et il y a un livre qui s'appelle Bidayatul Mujtahid, hein, écrit par Ibn Rushd, qui traite uniquement des questions de divergence et qui clarifie certaines de ces divergences-là. Il y a un autre livre qui s'appelle Al-Ifsah, hein, qui parle aussi de ce sujet-là, je pense écrit par Ibn Habira ou Hubeira, quelque chose comme ça, et qui mentionne les divergences entre les quatre imams et les questions de les points sur lesquels ils sont d'accord et les points sur lesquels ils sont en désaccord. Et il mentionne les causes de leur désaccord et les raisons. Et il y a également d'autres livres aussi, comme il y a un livre écrit par l'imam Al-Marwazi, un des imams parmi les imams des salafs, qui s'appelle Ikhtilaf al-Fuqaha, qui a été publié dernièrement, qui est un livre qui parle des divergences également, et il y en a beaucoup d'autres aussi. Et donc le cheikh il dit, on peut répondre à une question de divergence de deux façons. C'est-à-dire par rapport à la quantité des divergences qui existent, parce qu'on vient d'expliquer dans ce chapitre qu'il y a peu de divergences. Donc comment on peut maintenant comprendre qu'il y en ait des mentions de 4000 ou bien d'une centaine par exemple? Dans ce cas-là, comment on peut expliquer qu'il y en a peu en voyant un nombre aussi grand? Le cheikh il répond à ça et il dit, premièrement, al-awwal anna masail al-qat' wan-nass والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة. Premièrement, on peut répondre en disant que les questions au sujet desquelles les gens sont certains, il y a des textes clairs et des consensus à leur sujet, quand on les met en comparaison avec les questions au sujet desquelles il y a eu des divergences, on voit que les questions sur lesquelles il y a des certitudes et des textes et des consensus sont des fois, ils sont multipliés, c'est des fois multipliés encore, c'est-à-dire il y en a encore plus et plus et plus et plus, hein. On peut dire que c'est des plusieurs encore, plusieurs fois plus que de ces questions-là qu'on retrouve par rapport au nombre de questions de divergence. C'est-à-dire, le nombre des questions de divergence, quand on le met par rapport aux questions sur lesquelles il n'y a pas de divergence, eh bien, c'est le nombre des divergences, même si on le voit et même si on a l'impression que c'est beaucoup, eh bien, en réalité, c'est très, très, très peu quand on le met à côté des questions sur lesquelles il y a un accord et des choses certaines et des textes et des certitudes. Deuxièmement, الثاني أن هذا الظن ليس وصفا للنصوص التي اختلفوا فيها وإنما الظن واقع لبعض المجتهدين وهو نسبي أيضا مقطوع به عند المحققين. Deuxièmement, il dit que quand on dit qu'il y a une incertitude par rapport à certaines questions de fiqh ou certaines questions qui sont reliées au fiqh et ou bien à la compréhension de la religion, eh bien, c'est uniquement une description qui est reliée à la compréhension de certains parmi les mujtahidines et non pas une incertitude par rapport aux textes eux-mêmes sur lesquels il y a eu la divergence. Parce que c'est uniquement une chose qui est relative. Ça veut dire cette incertitude-là, c'est une incertitude qui est relative par rapport aux personnes qui ont des divergences au sujet de ces questions-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est une incertitude qui est reliée aux textes eux-mêmes, puisque pour les gens qui vont faire des recherches et qui vont vérifier les questions sur lesquelles il y a des divergences, eux, ils vont trouver et ils vont arriver à trancher entre la vérité et le faux par rapport à ces divergences-là. Et donc, pour eux, ce sera plus de, il n'y aura plus d'incertitude par rapport à ces questions-là, puisqu'ils auront tranché et ramené les questions par rapport aux preuves qui sont mentionnées sur ces sujets-là. Et donc, pour eux, il n'y a pas d'incertitude. L'incertitude, c'est uniquement une chose qui est relative aux personnes qui n'ont pas, disons, trouvé la vérité à ce sujet, au sujet de ces questions-là. Et le cheikh, il mentionne, pour justifier ça, pour clarifier encore plus ce point-là, il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah dans Al-Istiqama, le volume 1, à la page 55, il dit « وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعلوم لمن تدبر الشريعة أن أحكام عامة أفعال العباد معلومة لا مظنونة وأن الظن فيها إنما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين أما غالب الأفعال ومفادها وأحداثها فغالب أحكامها معلومة ولله الحمد وأعني بكونها معلومة أن العلم بها ممكن وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها لا أعني أن العلم بها حاصل لكل أحد بل ولا لغالب المتفقهة المقلدين لأئمتهم بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد. Donc le cheikh, il explique ici, Ibn Taymiyyah, il dit que c'est une chose qui est connue. Quiconque va méditer et observer la charia et les règles de la charia en ce qui concerne la majorité des pratiques et des règles que les êtres humains vont appliquer de la religion, c'est une chose qui est connue, que ces choses-là font partie des choses connues de la religion sur lesquelles il y a une science claire. Il n'y a pas de doute au sujet de ces questions-là. Le doute vient uniquement dans une petite partie, une petite portion des choses qui peuvent se produire dans la religion, qui arrivent rarement et qui se produisent rarement. Et ce doute-là ou ces conjectures-là se produisent uniquement pour certains parmi les mujtahidin et certains parmi les savants. Mais sinon, dans la plupart de leurs actions ou de leurs applications, dans les événements qui peuvent se produire de temps en temps, on voit que la plupart des règles dans les autres aspects de la religion sont claires et connues. Alhamdoulillah. Donc il n'y a pas de doute à leur sujet. C'est juste pour dire en fait qu'est-ce que le cheikh veut dire ici, c'est que en général, les règles sont connues dans la religion et les choses sont basées sur une science qui est claire et tout le monde les comprenne. Hein, tous les savants les comprennent, ces règles-là. C'est juste certains événements qui peuvent se produire qui sont vraiment extraordinaires, c'est-à-dire des événements qui n'arrivent pas régulièrement, qui ne sont pas communes. Dans ces situations-là, c'est vrai qu'ils vont avoir certains doutes ou certaines incertitudes et ils vont juger sans avoir une référence claire. Et le cheikh, il dit, lorsque je dis que cette science-là, elle est possible, hein, et que c'est possible d'avoir la connaissance de l'application à avoir par rapport à ces situations-là, c'est-à-dire par rapport au mujtahid, lorsqu'il va revenir aux preuves de la charia qui concernent ces événements-là qui arrivent. Et il dit, ça, je sais que c'est pas une science qui va être possible pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde parmi les mujtahidines qui vont être capables d'atteindre cette science-là. Il dit que, même qu'en réalité, la plupart des mutafaqqiha, c'est-à-dire la plupart des gens qui regardent dans les questions de fiqh et qui étudient les questions de fiqh et qui suivent aveuglément leur imam, la plupart d'entre eux ne seront pas capables d'arriver à une connaissance claire au sujet de ces questions-là, parce que, en fait, la plupart d'entre eux, qu'est-ce qu'ils ont, c'est qu'est-ce qu'on appelle azzan, c'est-à-dire de la conjecture, c'est-à-dire des paroles ou des opinions qui ne sont pas supportées par des preuves claires, et ils ne font que suivre aveuglément ce que d'autres ont dit parmi leurs chiours avant eux. Donc ça, c'est l'attitude ou la situation des gens par rapport à la divergence dans certaines questions. C'est que certains d'entre eux, c'est ça. C'est certains parmi les mutafaqqiha, ou les gens qui se présentent comme étant des fuqaha, ils ne font que répéter ou suivre ce qu'ils ont appris de leurs chiours, et ils ne retournent pas ou n'ont pas une compréhension assez profonde des textes pour arriver justement à savoir comment agir dans certaines circonstances qui sont des circonstances un peu hors de l'ordinaire, et ils n'ont pas une science assez développée peut-être pour être capable d'extraire les verdicts des textes dans des situations pareilles. Donc ça, c'est pour dire que la question de qu'est-ce qui est fun, c'est une question qui est relative à la personne et non pas relative à la religion en elle-même, et que pour une personne, un texte peut être difficile à comprendre, alors que pour un autre, le texte est clair. Hein? C'est parce que le niveau de compréhension et de connaissance peut être différent d'un savant à un autre. Et donc, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il l'a clarifié, puis comme on l'a clarifié dans d'autres citations qu'on a mentionnées. Bon, nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et demain on mentionnera on va rentrer dans un autre chapitre à ce sujet-là, Inch'Allah. Puis, bien entendu, il y a des passages où il y a des chapitres qui sont plus compliqués que d'autres, ou bien qui demandent un peu plus de clarification que d'autres. On va essayer de clarifier ce qui est le plus bénéfique et le plus facile à comprendre de ces textes-là et de ces paroles-là. Et si jamais il y a des choses qu'on voit que c'est vraiment à un autre niveau qui nous sert pas à nous, à notre niveau, alors dans ce cas-là, bien, on va pas le mentionner. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui? C'est juste pour essayer de nous faire comprendre deux points très importants. Premièrement, que la vérité elle est claire, et deuxièmement, qu'il y a très peu de divergences dans la charia de l'islam, et que si on veut chercher la vérité, on peut la trouver facilement. Ça, c'est un point. Et que les questions de divergence, c'est vrai qu'il y en a, mais ça ne veut pas dire que la vérité n'existe pas dans ces questions-là quand il y a des divergences. Et même si pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de savants, ces questions-là sont compliquées ou difficiles, ça ne veut pas dire que elles le sont compliquées ou difficiles pour tout le monde parmi les savants. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et puis on continuera demain la suite, hein, l'autre chapitre qui vient après. Donc subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.